Thank you. Je me bois les sabbats, ça fait longtemps. toujours ma violence est tentée. Ça me vaut mieux qu'on t'étende. Fais gaffe quand même, mais faisons de la passer de ton temps. Essaye de me berner. Je te montrerai mon talent, tes oreilles sont cernées. T'entends déjà le son qui est entre mes belles fraises. Je suis déguisé en trop vite, mais t'as croisé un type sympa. Ma famille est en deuil en mode combat. Quand on dit chérie, ma rancune ne me propose pas. Il a repassé des sentiers, décidé d'esquiver dans le temps. C'est ce qui fait que c'est l'heure de la fin. Fait plein de haches, c'est faux, je vais pas me cartonner, ni pas me gardonner, je suis un type tout doux. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse, mes rapports t'arrêtent, c'est ce qui paraît, je suis fou. J'ai de la malice, mais pas de falice, m'en fous, je veux juste ma mise. Je frappe pour que l'on, je suis même pas petit police. Y'a des CRS pacifiques qui détendent, pas si plus que ça, je rappe, je te sauve, mimis, oh. J'ai l'impression que j'ignore, fils. J'rappe pour le low, peace. Rappelle-moi rap, Safari. Moi j'aime pas quand ça tape, Safari. Mais j'fais tout pour que tu bouges ton tafanari. Quatre faces faciles et des rats, passe charri. Mais si tu demandes un bon petit abracadabra, j'arrive. Thank you. Thank you.